France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Bonjour Tiphaine, cette semaine à l'occasion des 30 ans de la disparition de Simenon, nous vous proposons de redécouvrir une semaine de la Compagnie des auteurs consacrée au créateur du Commissaire Maigret. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série consacrée à l'écrivain belge Georges Simenon dans une émission proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Laurent Travagli-Chanal, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Anthony Thomasson. Il est né à Liège, au temps où l'on orthographiait encore cette ville avec un accent aigu. C'était un vendredi 13, un vendredi de février 1903, que son père a fait changer à l'état civil en un jeudi 12 pour davantage de sécurité. Journaliste à 16 ans, Simenon quitte la Belgique pour Paris où il devient écrivain, invente le personnage de Maigret, puis s'installe dans les années 30 à La Rochelle, où il restera une dizaine d'années à disséquer les mœurs de cette ville. Plus tard, il vivra aux États-Unis et en Suisse jusqu'à sa mort à Lausanne en 1989. La biographie de Simenon, c'était le sujet de notre émission d'hier. Elle est à retrouver en téléchargement. Et puis demain, nous nous pencherons avec Bernard Alavoine sur le rapport de l'écrivain avec le domaine des sensations primordiales chez lui. Enfin jeudi, nous serons en duplex avec Benoît Denis qui a édité son œuvre dans la Pléiade. Il nous parlera notamment de son rapport avec le milieu littéraire. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois Pierre Assouline, journaliste, romancier, biographe, blogueur et membre du jury Goncourt. On lui doit l'autodictionnaire Simenon, publié en 2009 chez Omnibus, ainsi qu'une biographie du romancier parue chez Julliard en 1992 et rééditée en 1996 dans la collection Folio. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Vous n'êtes pas bon juge parce que vous ne lisez plus. C'est exact. J'avoue que je ne lis pas, mais je lis les critiques. Depuis 1928, exactement. Vous n'avez rien lu. Non. Donc. Exact. Ah. Seulement, je lis les critiques et je vois le mouvement. Oui. Et je vois cette espèce de sclérose qui vient d'une sorte d'intellectualité, ou plutôt d'intellectualisme. Vous voyez, ces gens qui remarchent à l'infini. Non. Mais alors, la littérature se fait avec des tripes, avec de la connaissance humaine, de l'humain de première main. Avec Thérèse de Saint-Phalle en 1968. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour Mathieu. Alors vous, au contraire de Simenon, vous lisez même beaucoup, que ce soit pour vos articles comme pour choisir le prochain prix Goncourt. C'est une différence que vous avez avec lui. Avec Simenon, mais oui. Non, mais il raconte des bobards là. Ah. Dans ce qu'on a entendu. D'abord, il a l'air un peu bourré quand même. Le ton est un peu difficile. Mais c'est surtout. Non, il racontait ça. Mais en fait, il a beaucoup lu. Énormément dans sa jeunesse et après dans sa retraite, quand il a arrêté d'écrire. Entre les deux, il lui est arrivé de lire, mais il ne voulait pas être influencé. Donc il disait relativement peu de nouveautés. Mais dans ses lettres inédites, il y en a des dizaines de milliers. Par exemple, il y a une critique très pointue de Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan, quelques semaines après sa parution. Il aimait Françoise Sagan ? Non. Mais on lui avait dit, voilà, ça vient de sortir, tout le monde en parle, c'est un nouveau grand écrivain, donc il avait la curiosité. Alors il avait descendu de livre, parce que ça correspondait pas du tout à son esthétique du roman, mais en même temps, il l'a lu, donc il disait un peu. mais c'était pas, il n'allait pas courir les nouveautés ni rien. Il lisait les romanciers français, les romanciers américains. Il avait une prédilection pour un écrivain en particulier. Ben par exemple, il avait vécu aux États-Unis, dans la même ville que Erskine Caldwell. Alors, il se rencontrait chez le coiffeur. Donc, la moindre des choses, se dit-il, c'est que je regarde quand même un peu ce qu'il a fait. Et puis, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, ça, c'est quand il était aux États-Unis. Pas curiosité. Mais sinon, il avait lu Faulkner, Hemingway, bien sûr. Et, enfin, ceux qui l'ont vraiment formé, ce sont les grands romanciers russes. Mm-hmm. Parce que, à 15-16 ans, il y avait des étudiants russes dans la pension de famille que tenait sa mère. Ils l'ont fortement engagé à lire Gogol, Dostoïevski. Et comme déjà à l'époque, il était extrêmement excessif, et au lieu de lire un ou deux livres, Les âmes mortes, par exemple, ou Crime et châtiment, il a lu tout, toute l'œuvre de chacun. Et ça, ça l'a vraiment imprégné. Mais Bernard Lavoine, demain, vous le confirmera, elle développera, parce que son livre est remarquable là-dessus, sur les sensations. C'est votre sujet, je crois. Oui, tout à fait. Et la peinture a beaucoup... J'allais dire impressionné, c'est de l'impressionnisme, mais la peinture impressionniste notamment, et aussi les maîtres flamands, ont beaucoup influencé le tempérament littéraire de Simenon. Donc vous nous faites le portrait de quelqu'un de cultivé, d'extrêmement sensible. Il cachait bien son jeu, non, puisque lui, au contraire, avait tendance à dire qu'il était plutôt anti-intellectuel. Il était pas anti au sens militant du terme, mais il était a-intellectuel, parce qu'il n'avait aucune formation, c'est un autodidacte complet, et surtout le monde des idées n'était pas le sien. Mais c'est un romancier, ce n'est pas un écrivain. Mm-hmm. C'est ce qu'il disait toujours. Hein. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors, l'idée, par exemple, que 9 ou 10 écrivains se réunissent autour d'une table pour élire le meilleur roman de l'année, comme vous le faites chaque année, Pierre Assouline, qu'un certain nombre de vieilles dames en face au temps dans un autre restaurant, que des journalistes eux-mêmes se mettent à juger, lui paraissait effarante. C'est une citation que je fais de lui. Oui, il faudrait voir en quelle année hein, aussi. Parce que il a été évidemment goncourisable. Et dans les années 30, quand il entrait dans la NRF, grâce à André Gide, il a tout de suite, en paraissant sous la couverture blanche, ça lui a donné des ailes. Et ils n'ont pas rompu dans son style, mais il a écrit le Testament de Nadieu, qui était fait un peu dans cet esprit-là, assez balzacien. Assez... Et il n'a pas eu le Goncourt, mais chaque année, il a pensé qu'il pourrait l'avoir, puis un jour, il s'est découragé. Pareillement pour le Nobel. Et il y a pendant des années, il a espéré le Nobel. Mmh. Et effectivement, il était sur la liste. Hein. En même temps que Graham Greene et quelques autres, dans les années 50-60, jusqu'au jour où il a compris que ça n'irait pas. Et puis, ouais. Il a oublié. Il l'aurait accepté jusqu'à 45 ans, parce qu'après, oui. Il trouvait que c'était peut-être un peu tard. Après, il disait que ce serait plutôt à moi de le donner. Oui, bon. Mmh. Ça, c'est les boutades de Simenon qui sont rigolotes. Toujours, faut pas toujours trop prendre au sérieux ce qu'il dit, puisqu'il est... C'est quand même un tempérament hyperbolique, hein. Il en fait toujours 10 fois trop. Mmh. Mais il aurait pu, et l'un et l'autre prix, les obtenir à cette époque-là. Alors toujours est-il qu'il a été peut-être un peu méprisé tout de même par quelques jurys littéraires. C'est évidemment pas votre cas. Vous expliquez toute l'admiration que vous avez pour Simenon, que vous placez au pinacle, à l'extrême pointe, je vous cite... On dira que tout est déjà dans la Bible, qu'on n'a rien inventé depuis et que ce qui reste se trouve dans le théâtre de Shakespeare. Et finalement, en dessous de la Bible et de Shakespeare, vous mettriez directement avec Simenon. Avec quelques autres, hein. Avec quelques autres, pas tout seul. Donc ils ont plusieurs à la troisième place. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, oui, ça est très subjectif, bien entendu. Mais s'il fallait cindre les 200 romans qu'il a écrits, donc y compris les Maigret, ce serait à cindre d'un bandeau... La condition humaine, mm-hmm. bien que ce soit déjà pris, parce que tout y est. Alors évidemment, il y a toujours des critiques pour se boucher le nez sur la prétendue, l'apparente simplicité, si ce n'est le côté primaire des romans de Simenon, mais ça a toujours existé, ça existera toujours, c'est pas gênant. Et c'est évidemment un univers beaucoup plus complexe, et surtout, quand on prétend accéder à l'universel, c'est le cas de la plupart des artistes, en voilà un qui est bien arrivé sans le faire exprès, puisque 70 ans après ses débuts, non seulement on en parle encore, mais il est toujours traduit en 45 langues, et il est toujours... Il y a de génération en génération, il y a un public qui se renouvelle et qui est fasciné par ces histoires qui, encore une fois, sont d'une telle économie de mots que On dit de lui ce qu'on a dit à une époque de Duras. C'est facile, puisque c'est simple à écrire. Oui. Quand il avait fini son manuscrit, il le secouait pour que les adjectifs... Les adverbes. Pour faire tomber les adverbes. Il dit que ça ne sert à rien. La preuve, c'est que quand il tombe, rien ne manque dans la phrase. Quelle différence faites-vous entre vos ouvrages commerciaux et ce que vous appelez vos romans ? Ah, je n'appelle plus d'ouvrages commerciaux. Vous voulez dire les Maigret ? Oui, par exemple. Mais les Maigret, je ne les fais même plus du point de vue commercial maintenant. Je les fais vraiment pour mon plaisir. Oui, mais vous ne les écriez pas dans le même état de tension physique. Ah non, non. Mais là, alors, ça se fait au contraire dans une sorte d'enjouement. C'est un plaisir, c'est un repos. Je vous l'ai dit, je crois, c'est un petit peu comme le musicien qui commencerait à jouer des ritournelles juste pour son propre plaisir. Je crois d'ailleurs que Bach faisait ça. J'ai beaucoup pensé à Bach lorsque j'ai écrit mes romans. C'est un des génies créateurs que j'admire le plus et que j'essaye le plus d'imiter. Au fond, j'ai essayé d'imiter le style de Bach. C'est-à-dire d'avoir ces surimpressions de voix, ces superpositions de voix, ces voix entremêlées, vous savez. C'est tout un travail, et ce travail de fugue. J'essaye de faire ça avec le style, j'essaye de faire ça avec le roman, en n'y parvenant pas, bien entendu. La Compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'un entretien avec André Parrino du 30 décembre 1955. Pierre Assouline, il y a une modestie, sans doute fausse d'ailleurs, chez Simenon quand il parle de ses romans. D'ailleurs, il ne parle jamais que de ses romans parce qu'il se considérait comme un romancier et jamais comme un écrivain. D'abord, je ne suis pas sûr, Mathieu, que ce soit de la fausse modestie. Je pense qu'il était sincère. Parce qu'il y a quelque chose d'assez primaire chez lui, vous savez. Il exagère, mais il ne ment pas. Il dit vraiment ce qu'il pense et ce qu'il a sur le cœur. Il a même parfois cette naïveté de croire que quand qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. Et que c'est la vérité. Moi, je le vois pas comme un modeste. Tout à l'heure, vous avez dit un romancier belge, pour le présenter. Il était même pas belge. Et alors, il est né à Liège, disons. On lui disait, vous êtes liégeois, donc. Il disait, non, je suis même pas liégeois, je suis d'Outremeuse. C'est-à-dire le quartier populaire de Liège, séparé par le pont de la grande ville, qui est un quartier assez misérable, où il est né, où il a vécu, il a grandi, jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est de ça qu'il est issu. Et pourtant, il n'en est jamais sorti. Ce quartier. Ben oui, mais il n'en est jamais sorti. Il n'y est jamais revenu. On peut quitter un quartier pour la vie et n'en être jamais sorti. C'est son cas. Ce que vous aimez chez lui, Pierre Assouline, c'est qu'il connaissait ses limites, justement. Ben justement, vous avez dit romancier, pas écrivain. Ça, c'est pas de la fausse modestie. Il disait, je sais faire une chose, un roman, en 9 chapitres, qui fait environ 210 pages. À quelques reprises, il a été au-delà, parce que les circonstances l'ont poussé. En 1942, quand il a écrit Pédigré, qui est une sorte de récit autobiographique de 350 pages, évidemment, il n'avait jamais fait ça. Et évidemment, ça a été pour lui une expérience. C'est un de ses plus beaux livres. Et on en parlera justement tout à l'heure. Oui. Vous allez en parler. Et puis, quand il a écrit ses Mémoires intimes, qui est un livre de 1000 pages hirsute, il l'a fait parce que sa fille s'est suicidée et qu'il voulait intégrer dans ce livre les chansons, les récits, les fragments de sa fille. C'était un livre à deux voix. Donc, mais sinon, il a toujours fait ce qu'il savait faire. D'une part, des Maigret, d'autre part, ce qu'on appelle des romans durs, ou roman de la destinée, et voilà. Et moi, j'admire que ce genre de personnes qui savent jusqu'où aller trop loin, mais qui savent qu'il faut creuser un sillon et ne pas chercher à avoir d'autres sillons. C'est le contraire de l'écrivain typique anglais d'aujourd'hui ou même d'autrefois, qui dans sa bibliographie a évidemment 15 ou 20 romans, et puis 5 ou 6 volumes de poésie, 2 ou 3 pièces de théâtre, un récit de mémoire, une biographie, voilà, un peu tous les genres. J'étais absolument étranger à sa façon. Ça, dans ses papiers, vous n'avez pas retrouvé de tentatives de poésie ou de théâtre, par exemple ? Non, du théâtre pur, non. On a adapté très peu Simenon au théâtre. Il a commencé par faire des contes pour la presse populaire à 19 ans, à 20 ans même, que Colette... La grande Colette a prise. Colette avait ce titre magnifique. Elle était directrice des comptes au matin, au journal Le Matin. Il a frappé à sa porte. Il a écrit comme ça, dans la foulée, une dizaine de comptes, parce qu'il était une machine incroyable. Et elle lui a dit, c'est bien mon petit Sim, mais il y a trop de littérature. Ça, c'est un bon conseil. Oui. Donc, c'est le roman qui est évidemment le plus important chez Simenon. D'ailleurs, quand on ouvre votre auto-dictionnaire Simenon, il y a une dizaine d'entrées différentes qui tournent autour de ce mot roman. Roman de mœurs, roman dur, roman grand, roman picaresque. C'est picaresque, oui, Simenon ? Non, c'est pas picaresque, mais il en a parlé. Comme l'auto-dictionnaire, il y a que lui qui parle dans ses définitions. Je trouvais intéressant de donner sa vision du roman picaresque, qui est tellement à l'opposé de ce qu'il a fait. Oui. Roman policier, évidemment, roman populaire, roman pur. Bah, le roman pur, c'est le roman, ce qu'il appelait, en fait, c'est les romans durs et le roman de la destinée, débarrassé de, à la fois de l'enquête policière, mais aussi de préoccupations qui pourraient être abstraites, etc. Le roman pur, c'est l'homme nu. Parce que lui, il n'a pas cessé de chercher l'homme nu, ce qu'il appelait, lui, l'homme nu. C'est-à-dire le dépouillement absolu chez un être, un individu, saisi dès le départ d'un roman, à l'instant même où il est en crise. Et ça peut être la crise, ça peut être une fugue, ça peut être un divorce, ça peut être d'être licencié sur le champ par son patron, ou ça peut être un meurtre qu'on a commis, c'est la crise. Et ensuite, passé, drame, dénouement. On s'aperçoit que cette structure, crise, passé, drame, dénouement, qui était la structure de tous ses romans, et simplement, il l'a dit lui-même, calqué sur les tragédies d'Eschyle, tout simplement. Il n'a rien inventé. Simplement, il l'a adapté à la fiction et au réalisme. Romancier professeur, c'est aussi une entrée de cet auto-dictionnaire. Ah, pourtant, oui. On n'a pas l'impression qu'il soit tellement professoral. Non, il n'est pas professeur du tout. Non, mais d'ailleurs, il ne se voulait pas un maître, et il n'avait pas de disciple. Ouais. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui se réclament de son influence. C'est incroyable, que ce soit en France, évidemment aux États-Unis, mais enfin, l'exemple même de l'héritier de Simenon, c'est Modiano, et pourtant on n'y pense pas. Sur France Culture, nous parlons de Simenon avec vous, Pierre Assouline, et à partir de cet auto-dictionnaire qui est un travail de montage finalement, oui, que vous avez fait à partir de citations de Simenon. C'est un portrait finalement de l'écrivain, et vous pourriez rapprocher cet écrivain d'une autre personnalité que vous avez beaucoup fréquentée, puisque vous en avez fait également une biographie, c'est Cartier-Bresson. Il y a des coïncidences finalement entre le photographe et le romancier. Peut-être que la première coïncidence, ce serait que tous deux sont des artistes au masque d'artisan. Oui, car Cartier-Bresson ne supportait pas qu'on le dise artiste. Il disait, oui, on bricole, hein. Et c'est pas de l'art, je suis reporter, je suis pas un artiste. Et sinon, on se dit, moi, je suis un artisan, rien d'autre. Ce qu'il avait retenu des maîtres flamands, justement, c'est le côté artisan, c'est ça qui lui plaisait. Dans l'atelier, ce sont deux grands individualistes, même si Cartier-Bresson, lui, avait l'esprit d'équipe, en un sens, puisqu'il a cofondé Magnum, et qui est une immense réussite, et qui a une immense importance. Non, il y a des points communs entre les deux, je me suis amusé un petit peu dans ma préface à ce dictionnaire, à faire des analogies, parce que je trouvais qu'il y avait quand même de fortes ressemblances. Et ces analogies, alors, quelles sont-elles ? D'abord, obéir à son instinct. Mm-hmm. Ensuite, avoir très tôt une certaine conception et une certaine vision de son art, et ne jamais en dévier. Voilà, Cartier-Bresson, en 1930, déjà, il savait exactement ce que c'était qu'une photo pour lui. Il n'en a jamais dévié, il n'a jamais fait autre chose. Donc ça veut dire que la recherche, la notion de recherche dans son art, n'est pas très importante pour ces deux personnalités-là, puisqu'on reste sur l'idée qu'on avait au départ de ce que cet art devait être. Simenon avait une formule pour ça. Il disait, à 20 ans, on est achevé d'imprimer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les structures sont là, 20 ans ou 21 ans, peu importe, ou 22 ans. Il disait, quand on arrive à l'âge adulte, la structure mentale, psychique de nous, de soi, est en place. Et il comparait ça à une maison. Vous savez, les fondations sont là. Alors vous pouvez au cours de votre vie rajouter des fenêtres, des portes, des étages, des surélévations, tout ce que vous voulez. Vous redécorez la maison de l'extérieur, c'est très bien et c'est ce qu'on fait toute sa vie. On s'augmente, on se perfectionne, mais le fondement est là et ne va jamais changer ni profondément évoluer. Ce qui va évoluer, c'est tout ce qu'il y a autour qui est un peu superficiel. Mmh. Eh bien, Cartier-Bresson et lui, c'est un peu ça. Mais même, il y a un côté chez l'un comme chez l'autre un peu animal. Alors qu'ils sont très différents par bien des côtés. L'éducation de Cartier-Bresson, qui est celle de grands bourgeois français, n'est pas celle de Simenon. Mais ce sont deux individualistes qui ne se sont pas connus, hein, ils ne se sont jamais rencontrés. Et oui, je m'étais amusé à faire des parallèles, parce que, vous savez... En tout cas, ils sont forcément liés par quelque chose, puisque vous vous êtes intéressé aux deux. Et on sait bien que quand on décide d'écrire la biographie de quelqu'un, c'est parce qu'on y trouve quelque chose d'obsessionnel. Donc il doit y avoir quelque chose que vous retrouvez Il y a plusieurs éléments, mais avant tout cette vision du monde, cette conception de leur art, c'est quand même important. C'est pas n'importe quoi. Le roman pour l'un, la photo pour l'autre, ça a été fondamental. Et puis, dans les deux cas, une certaine façon de se tenir en marge de la société. Et ce ne sont pas des mondains l'un comme l'autre. Quand Cartier-Bresson était reporter, c'est-à-dire pendant une grande partie de sa vie, il n'aimait pas voyager, il aimait vivre à l'étranger. Et quand il vivait à l'étranger, il vivait de manière marginale. Par exemple, il voyageait moins souvent possible en avion, mais toujours en train, en bus, pour pouvoir parler avec des gens. Simenon, lui, quand il voyageait, il vivait à l'étranger, il s'installait exactement comme Cartier-Bresson. C'était pas le voyage pour le voyage, mais rester quelque part, et surtout toujours en marge. Même dans les petites villes, il vivait pas en ville, il vivait à la campagne. Quand il a vécu à La Rochelle, il n'a pas vécu à La Rochelle. Il a vécu à Nieul-sur-Mer. À la Richardière. À la Richardière, du nom de... Vous êtes Rochelet, non ? Oui, je suis Rochelet. Ah, ben voilà, alors, je m'en doutais. Oui, il faut l'être un peu pour reconnaître ce nom. Voilà, voilà. Vous connaissez Nieul-sur-Mer, bien sûr. Je connais Nieul-sur-Mer. Oui, oui. Toute votre enfance. Mais oui, les vacances à la mer, à côté de La Rochelle, à Nieul-sur-Mer. Et comme il disait, il adorait La Rochelle, vous savez. Tiens, on va faire une émission sur La Rochelle maintenant. Mais non, mais il allait à cheval tous les jours, de Nieul à La Rochelle, donc dans les années 30. Et il disait, La Rochelle, c'est la seule ville de France qu'on peut traverser un jour de pluie sans se mouiller, oui, à cause des arcades. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Pas tout à fait vrai, mais enfin presque. Hein. Oui. C'est assez joli. Et il allait au grand café sur la place, là, qui s'appelait le café de la paix. Le café de la paix, c'était M. Cache-Pécha, qui était le patron, et qui avait fait sceller un anneau dans les pavés, devant son café, pour le cheval de M. Simenon. Je ne sais pas s'il y est toujours... Non, je peux vous dire où il est. Pierre Assouline. À Lille, l'île qui est en face de La Rochelle, c'est... L'île de Ré. L'île de Ré. Madame Cache-Pécha, sa fille, s'est retirée et je suis allé la voir quand j'ai fait tout ce travail sur Simenon et était scellé dans le mur l'anneau de Monsieur Simenon. Ah, bah alors ça, parlons peut-être un peu de l'œuvre Pierre Assouline, mais c'est évidemment pas facile de parler de cette œuvre parce qu'elle est immense. On a commencé déjà de le dire hier, au moins 25 volumes aux éditions Omnibus, 3 volumes en Pléiade, on en parlera aussi jeudi avec Benoît Denis. Vous avez tout lu d'ailleurs pour votre biographie ? Deux fois, tous les romans sous patronyme, c'est-à-dire 200 romans sous patronyme. Sur les 200, il y en a 130 qui sont des romans durs et 70 qui sont des maigrés. Je les ai lus deux fois. Quant aux romans populaires, il y en a aussi 200. Mais ils sont franchement pas bons. Et vous les avez lus aussi ? Sauf exception. Alors, j'en ai lu un certain nombre, puis après, on voit comment c'est fait, ça suffit. Mais c'est bon. À l'époque, quand il le faisait... Donc il avait 22, 23 ans, il disait « je gâche du plâtre », c'est-à-dire « j'apprends à écrire ». Donc vous avez lu deux fois ces romans, après il vous a fallu faire une pause quand même, vous n'avez plus pu, vous le racontez, ouvrir des romans de Simenon, sauf peut-être un que vous considérez comme la matrice de toute son œuvre, et ce roman-là c'est Pédigré, c'est son chef-d'œuvre, Pierre Assouline. C'est un grand livre. Je ne sais pas si c'est son chef-d'œuvre parce que c'est le plus atypique. Et donc, ça serait dommage. Le problème, c'est que sur 200, il y a 20 grands livres pour moi. Au moins une vingtaine. Il n'y en a pas un. Mais Pédigré permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est un livre absolument remarquable. Mais quand je le conseille, si on me demande conseil, je suis un peu gêné parce que une fois qu'on l'a lu, on ne connaît pas la manière de Simenon. Parce qu'il est atypique dans son œuvre. Alors on va en écouter déjà un extrait avant de le commenter. C'est l'heure ou rue puis en soc, les commerçants arrangent leur étalage et nettoient le trottoir à grands seaux d'eau. Les ruelles qui débouchent vous lancent en passant leur relent de pauvres. Mais cette odeur-là n'est pas désagréable quand on la connaît depuis son enfance. C'est l'heure aussi où Chrétien Mamelin se tient sur le seuil de la chapellerie, une pipe d'écume à la main. Bonjour, père. Bonjour, fils. Ils n'ont rien de plus à se dire. Désiré reste un petit moment debout, à côté de son père, adossés l'un et l'autre à la vieille maison, aussi grand l'un que l'autre, et tous les deux contemplent les pavés bleutés, le tram qui les frôle, le boulanger d'en face qui vient respirer un instant, poudreux de farine, et qui leur rit des yeux, la vendeuse de chez Gruyel Marquand qui lave ses vitres à la peau de chamois. Toute la rue les connaît. On sait que Désiré ne fait plus partie de la rue Puisansoc, qu'il est marié, qu'il travaille du côté des Guillemins. Mais on l'approuve de venir chaque matin, hiver comme été. Je vais embrasser maman. Des auteurs avec cet extrait de Pédigré. Qu'est-ce que vous en retenez, Pierre Assolini ? Ça reste un grand moment, Pédigré, et c'était tellement pas dans sa manière qu'il a fallu qu'il se justifie par rapport à ses lecteurs. En faisant une préface, ce qui n'est pas tellement c'est pas son du style, Simenon. C'est pas son genre. C'était en 1942, et il était replié avec sa famille à Fontenay-le-Comte. Mm-hmm. Et là, il a eu une petite alerte de santé. Il l'a interprété et surinterprété comme s'il était condamné. Le médecin, je crois, consulté à cette occasion, avait été très alarmiste. Oui, je l'ai retrouvé. Ah, vous l'avez retrouvé. Je l'ai retrouvé longtemps après. Il m'a dit, mais vous avez vu les ordonnances ? Que j'avais retrouvé les ordonnances. Il m'a dit, vous avez vu, c'est l'homéopathie. Il l'a un peu surinterprété. Il s'est cru condamné. Et donc, ça a été un alibi pour lui-même pour écrire Pédigré, dédié à son fils, Marc, pour dire, voilà, si jamais je meurs dans les 4 mois, comme je suis condamné par la faculté, je te raconte mon enfance. Donc c'est une sorte de lettre au fils, comme Kafka. Oui, un petit peu, mais construite, père, construite vraiment comme un récit autobiographique, un roman. Et c'est un livre qui est plein de saveurs, plein d'odeurs, de couleurs. C'est vraiment ce milieu populaire, ce qu'il appelait, lui, non pas les gens de peu, comme disait Pierre Sansot, mais les petites gens. Évidemment, sans aucun mépris, puisqu'il en était. Donc c'est un livre, certes autobiographique, mais en même temps, c'est totalement un roman. Oui, en fait, c'est un statut d'autant plus ambigu qu'il l'a payé cher, puisqu'il a laissé les vrais noms. Il était assez implacable dans ses descriptions des gens de cette ville, surtout sur la bourgeoisie qui en prend plein la figure. Et il y a eu des procès. Des procès de gens qui soit se sont reconnus, soit ont été identifiés. Et Maître Maurice Garçon a défendu, mais il a dû à un moment payer les dommages et intérêts parce que les gens s'estimaient maltraités. Donc il a à la nouvelle édition, il a modifié les noms. Mais sa propre mère se trouvait très maltraitée. Sa mère, ça c'est un problème. Elle a pleuré, paraît-il, en lisant ce roman. Oui, mais pour roman. Comprendre Simenon et sa mère, il y a un petit texte extraordinaire qu'il faut lire, qui est « Lettre à ma mère ». Et qui explique beaucoup de choses. Elle était à l'agonie. Justement à Liège, et donc il est retourné à Liège, à l'hôpital de Bavière, où il était enfant de cœur quand il était jeune, et pendant 8 jours, il est resté à son chevet. Et dès qu'il est rentré, il a dicté d'un jet comme ça, mm-hmm. une lettre à ma mère qui est terrible. Parce qu'il n'a pas pardonné finalement à sa mère de l'avoir élevé dans cette rigueur. C'est pas seulement ça, c'est qu'il n'a pas pardonné à sa mère de ne l'avoir jamais aimé. Mm-hmm. Vous savez, Et d'avoir préféré son frère. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Simenon a commencé à écrire le jour où il a quitté sa mère et il a arrêté d'écrire le jour où elle est morte. Mm-hmm. Encore un point commun avec Cartier-Bresson, puisque tous les deux se sont arrêtés de produire leur art. Simenon a arrêté d'écrire et Cartier-Bresson, lui aussi, a posé l'appareil photo. Volontairement, oui, volontairement. Cartier-Bresson, lui, s'est remis au dessin et à la peinture, qui étaient un peu ses amours de jeunesse. Ouais. Alors, pour revenir à Pédigré et au style de ce livre, qui est peut-être un peu différent des autres, je crois qu'il tient aussi au fait que Gide et lui avaient une correspondance, et Gide avait conseillé à Simenon de passer de la première à la troisième personne du singulier. Au fond, écrire un roman qui se raconte, mais en étant davantage du côté du roman que du côté de l'autobiographie, c'est ça que ça veut dire, passer de la première à la troisième personne ? Oui, pour prendre un peu de distance. Ce qui est fascinant dans la correspondance entre Gide et Simenon, c'est de voir, d'abord, Gide à l'époque était déjà nobilisable. Hein. Il rentrait dans la Pléiade, enfin bon, c'était le grand Gide déjà. Et il avoue sa fascination pour Simenon. Pourquoi ? Alors que c'est exactement le contraire, tout à fait opposé. Et donc ils font connaissance et se lient d'amitié. Pendant 15 ans, ils écrivent. Mais parce que, dit-il, vous êtes... Simenon réussit ce que Gide est incapable de faire, une véritable œuvre romanesque. Mm-hmm. Parce que c'est un immense, ça c'est du moins mon point de vue, c'est un immense diariste, Gide, un grand épistolier, le contemporain capital, tout ce que vous voulez, et un essayiste. Mais comme romancier, il n'en reste pas grand-chose. Ça va faire hurler les Gidiens qui nous écoutent, mais c'est pas grave. Oui, il y a quand même les Faux-Monnayeurs. Il y a quand même les Caves du Vatican. Mais enfin, c'est pas une émission sur Gide. Ça existe, mais qu'est-ce qu'il en reste ? Enfin, moi, peu importe. On entendra tout à l'heure d'ailleurs un extrait. Je trouve le journal des Faux-Monnayeurs est plus intéressant que les Faux-Monnayeurs. Mais bon, passons. Mais il admirait la capacité de Simenon à faire du roman. Comme lui s'en estimait incapable. Parce que dans leur correspondance, les questions qu'il lui pose, elles sont techniques, elles sont... Il ne comprend pas comment marche la machine, comment fonctionne cette machine à créer du roman. Et c'est précisément parce que Simenon n'est pas tellement... Enfin, il est à la fois dans la technique, parce qu'il explique que ça s'apprend d'être romancier, mais il est en même temps dans une forme de lâcher-prise que Gide n'avait peut-être pas réussi à atteindre. Mais Gide est trop plein d'idées. Enfin, Gide, quand il écrit... son journal, il l'écrit pour la Pléiade directement. Je veux dire que ça n'a rien à voir avec Simenon qui se lâche complètement, mais avec un instinct très sûr et animé par le doute et qui se dit à lui-même, le jour où ça ne viendra pas, je reposerai la housse sur la machine et j'arrêterai. C'est ce qu'il a fait. Alors il faut dire quand même, pour terminer sur Pédigré, que c'est une œuvre qui n'est pas achevée, puisqu'il devait y avoir plusieurs tomes à ce livre. Ça devait être une série qui aurait raconté justement toute la vie de Roger Mamelin, c'est-à-dire de Simenon. Or, ça s'arrête au moment où ce fameux Roger Mamelin a seulement 16 ans. Je pense que Simenon a été refroidi par les aventures judiciaires que son livre a connu à Liège. Ça l'a un peu cassé les pieds. Ça l'a même... il a trouvé que tous ces gens de son enfance qui avaient vieilli étaient très mesquins. Parce que c'était vraiment... il leur accordait en quelque sorte leur quart d'heure de célébrité ou à Rolien grâce à son livre. Et cela lui traîne en justice. Bon, je pense que ça l'a un peu freiné d'aller au-delà. Et puis je suis pas sûr qu'il ait eu vraiment envie. Il l'a annoncé, mais... il avait hâte de revenir à ses romans tels que lui les imaginait. Pierre Assouline, on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de cet entretien consacré à Simenon, dont vous avez rédigé notamment la biographie. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Compagnie des revues avec Éric Dusserre du Matricule des Anges aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Êtes-vous lecteur de Simenon ? Question traditionnelle maintenant à cette heure-ci. Depuis des grès, oui. Des 200 autres, non. Ah bah quand même, c'est déjà pas mal. Oui, mais j'ai lu 2-3. Je connais pas du tout par contre La Lettre à la Mer, qu'il faudrait que je regarde. Ouais. Et pour, puisqu'on parle de Gide, moi je serais plutôt Palude, mais... c'est un choix. D'accord, bon, on ne fait pas encore une fois l'émission sur Gide. On l'a faite, vous pouvez la réécouter d'ailleurs en podcast. Alors la dernière fois que vous êtes venu nous parler, c'était pour évoquer Juan José Saer, hein, dont il était question à l'époque dans le Matricule des Anges. Et vous revenez, Eric, aujourd'hui avec un autre auteur de langue espagnole, c'est José Carlos Llop, l'auteur des Rois d'Alexandrie, publié chez Jacqueline Chambon. Et oui, traduit par Edmond Reillard, Les Rois d'Alexandrie marquent un virage chromatique dans l'œuvre de Llop. Il était d'abord nimbé de la grisaille des années franquistes, et son œuvre, là, tout d'un coup, s'éclaire. On peut rappeler qu'il est né en 56 à Palma de Mallorca, puisqu'il vient de nous raconter ses années estudiantines à Barcelone. Et partant, il nous raconte le destin d'une génération flouée. Après cette époque festive bercée de culture, d'utopie, sa génération a été confrontée à des possibles sérieusement émincés par la voracité financière et puis par le délire consumériste. Iop a trouvé dans un poème de Cavafy le titre de son roman. Ces rois d'Alexandrie, ce sont les enfants de Cléopâtre que l'on fêtait comme les maîtres des diverses portions de l'empire de leur mère, tout en sachant qu'ils ne régneraient jamais. Ce qui arrive donc à la génération de Iop. Alors si le constat est amer pour le romancier insulaire, son livre n'en est pas moins lumineux et même très, très contrasté. Donc c'est un conseil que vous nous donnez. Iop, ça s'écrit 2LOP, hein. Il ne faut pas chercher ça à la lettre Y. Alors le réalisateur américain Whit Stillman, dont on a pu voir récemment Love and Friendship sur les écrans, revient cette fois dans les pages mêmes du roman qui a inspiré son film, Lady Susan, d'une certaine Jane Austen. Et il y revient cum grano sali, puisqu'il intervient dans le récit lui-même. On peut rappeler les grands traits de ce livre, hein. Lady Susan est un roman épistolaire, un écrit de jeunesse d'Austen que la critique a longtemps considéré comme un exercice charmant mais mineur. Les lettres échangées évoquent une veuve de la meilleure société anglaise, très très belle, très très subtile, et dont Jane Austen dénonce l'audace et ses capacités manipulatoires qu'elle exerce sur tous et en particulier sur les hommes. Mmh. Une croqueuse donc. Et le livre de Whit Stillman, Amour et Amitié, traduit par Johanna Bleyac pour les éditions Tristram, prend le contre-pied de Jane Austen. Par le truchement d'un neveu de la belle Lady, il flétrit les oeils de sa charmante tante, et parmi ceux-ci, évidemment, Jane Austen elle-même, dénommée la vieille fille ou l'auteur anonyme. Voilà, donc c'est un livre vraiment délicieux. L'histoire littéraire y prend vie avec beaucoup de malice, et c'est un vrai plaisir. Alors, comme vous n'avez pas pu choisir parmi toutes les choses que propose votre magazine, Le Matricule des Anges, je voulais terminer avec quelques citations piochées ici et là dans le numéro actuellement. Oui, j'ai eu du mal à les trouver. Quelques citations un peu curieuses, voire improbables, qui m'ont beaucoup plu. La première, c'est celle de Pasolini, qui décrit dans ses descriptions qu'il publiait dans le Il Tempo, la figure de Ossip Mandelstam. Mm-hmm. Je cite, « Léger, intelligent, spirituel, élégant, même exquis, gai, sensuel, toujours amoureux, loyal, lucide et heureux, quoique dans les ténèbres de sa névrose et de l'horreur politique. » Une très belle présentation. Plus loin, on trouve Elias Canetti, disparu en 94, qui nous revient avec un livre inachevé, le livre « Contre la mort », traduit par Bernard Kreis chez Albin Michel. Canetti avait le projet d'une comédie humaine des fous. Tout le monde a l'idée de la comédie humaine ou de la condition humaine. Canetti a fait très fort dans son genre, puisqu'il semble que ce livre « Contre la mort » en est une pièce. Parmi les fragments, j'en cite simplement un, elle s'est pendue haut et court à ses fossiles, on dirait presque du fainéant. Et autre caractère improbable d'une citation que je vous livre, elle est issue de Poétique de l'emploi de la lyonnaise Noémie Lefebvre chez Vertical. Le jour où les cygnes seront personnellement concernés par la faim dans le monde, ils feront moins les beaux. Merci Eric Dussert, tout cela et bien plus encore à retrouver dans le Matricule des Anges. À bientôt. À bientôt. la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et nous repartons dans cette émission consacrée à Simenon avec, je vous l'avais promis, cette lettre reçue par Simenon de la part de Gide en janvier 1939 et lue par Paolo Goya. Mon cher Simenon, je soutiens qu'un livre est bien composé lorsque tous les traits de l'histoire concourent à tracer une figure. Je ne parle point de celle d'un héros, mais de celle même du drame. Il y a de très beaux livres, il est vrai, qui ne sont pas composés du tout. Mais c'est peut-être surtout par la composition que vos livres m'épatent. La plupart, pas le testament d'un adieu. Le cheval blanc est composé très bizarrement, comme un morceau de musique, avec reprise, à la fin, du thème du début, enrichi et comme étoffé par le relent des thèmes soulevés au cours du récit. Il semble, dans vos livres, que vous n'y tolérez rien de flottant. Ceci m'intrigue beaucoup, mon cher Simenon. Je voudrais savoir si c'est là le résultat d'une méditation soutenue ou, ce que je crois plus volontiers, l'effet naturel d'une intuition subite extraordinaire. Peut-être me sera-t-il donné d'en parler avec vous longuement quelques jours. À vrai dire, je ne comprends pas bien comment vous concevez, composez, écrivez vos livres. Il y a là pour moi un mystère qui m'intéresse particulièrement. Je ne crois pas volontiers au phénomène, et pour moi, vous en êtes un. Donc on l'a dit, Pierre Assouline, il y a une forme d'admiration de la part de Gide pour Simenon. En tout cas, il y a un mystère, Simenon pour Gide. Est-ce que l'inverse est vrai également ? Simenon a une grande admiration pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a aucune influence entre les deux. C'est-à-dire que il n'y a aucune influence de Simenon sur Gide, évidemment, mais il n'y en a aucune de Gide sur Simenon non plus. Ils le disent eux-mêmes dans leurs lettres. Je vais même plus loin. Dans une lettre, Simenon avoue à l'un de ses correspondants, j'ai essayé de lire le dernier livre de Gide, je ne sais plus lequel, j'ai arrêté au bout de 5 pages. Mmh. Voilà. Mais c'est intéressant parce que malgré ça, il y a une vraie interaction. Et malgré ça, quand même, ce n'est pas superficiel. Vous savez, Gide a vraiment été l'artisan de l'entrée et de la la manière dont on a pu installer Simenon dans l'univers littéraire français dans les années 30. C'est Gaston Gallimard qui a été le chercher et qui l'a imposé. Il l'a imposé au comité de lecture de la NRF exactement comme il avait imposé des années auparavant Joseph Kessel. Donc qui n'en voulait pas, le comité de lecture aurait refusé Simenon. Jean Paulhan détestait Simenon, il l'a jamais caché, et Jacques Rivière aussi. Jacques Rivière réagit comme avec Kessel. Il s'est bouché le nez en disant c'est pas pour nous. Mmh. Et ça va nous porter préjudice. Donc il a été rejeté et Gaston Gallimard a imposé l'un comme l'autre en disant dans les deux cas, on en vendra et ça me permettra de payer les déficits des livres de Henri Michaud et plus tard de Maurice Blanchot. Ce qui est un petit peu méprisant aussi, d'une certaine manière. Non, c'est pas méprisant parce que lui, il les admirait. Mais pour les imposer à son comité, il leur disait, si vous voulez qu'on continue à publier à perte un certain nombre de livres, mais pas seulement Michaud, mais par exemple des gens comme Jouhandeau, dont Gallimard a publié au moins une centaine de livres, c'est hallucinant. Jamais Jouhandeau, ça ne s'est vendu. Mm-hmm. Et pourtant, il fallait bien quand même payer les droits d'auteur et ou des avances. Eh bien, il a toujours dit ça, Gaston Gallimard, mais la plupart des éditeurs ont fait comme ça. Ouais. Vous évoquez Blanchot, ça me permet de faire une parenthèse, parce que Blanchot, on le sait, a écrit quelques articles antisémites, et Simenon lui-même a eu quelques comptes à rendre à ce sujet. Je crois que quand il avait 18 ans, il était très jeune, il a écrit, sous le nom de Georges Sim, un article intitulé « Le péril juif ». Est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte de sa jeunesse, Pierre Assouline ? Aucun point commun entre ce qu'a fait Maurice Blanchot et ce qu'a fait Simenon. Simenon, à 16 ans, est entré à la Gazette de Liège comme reporter. Et il était factotum littéraire. C'est-à-dire, il faisait des reportages sur tout ce qu'on lui demandait d'écrire. Il avait beaucoup d'admiration pour M. Demarteau, qu'il avait fait rentrer dans ce quotidien qui était conservateur et catholique. Et un jour, à 16-17 ans, son patron lui demande de faire une série d'articles. Il y en a eu 18. Oui. sur le titre Le Péril juif, en lui disant il y a de la documentation, voilà. Et en fait, ce qu'a fait Simenon, c'est des articles antisémites bien sûr, mais qui sont un démarquage total de tout, de ce qu'on trouvait dans la presse à l'époque, pas seulement en France, mais en Angleterre, parce qu'on a retrouvé les sources, notamment le protocole des sages de Sion, etc. Tout ce qu'écrit ce gamin de 16 ans qui n'a jamais quitté Outremeuse sur le fonctionnement de la Société des Nations, vous pensez bien qu'il l'a pris quelque part. Il y connaissait strictement rien, mais il avait un culot monstre. Il a fait ses articles. Par la suite, dans ses romans, on a trouvé, évidemment, il y a des personnages juifs, mais ils sont plutôt positifs et ils sont presque tous inspirés des jeunes Russes, des jeunes Moldaves et des jeunes Lituaniens juifs qui habitaient chez sa mère dans la pension de famille quand il avait 12-14 ans. Et c'est ça les silhouettes qu'on retrouve. Donc pour vous, il n'y a pas de question, y compris dans le fait qu'il ait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour le cinéma, qu'il ait continué à publier, qu'il était dans les jurys littéraires. Comme tous les écrivains et tous les cinéastes, à part une poignée qui a refusé de paraître sous la botte, c'est-à-dire René Char qui était dans le maquis, Jean Guéhenno qui était professeur et quelques autres. Mais la quasi-totalité des écrivains français, à commencer par Sartre et quelques autres, non seulement ont publié, mais ont publié selon le règlement en vigueur, c'est-à-dire juré qu'ils étaient à rien, etc. Simenon a fait la même chose. Mais pourquoi est-ce que pour lui, il y a une suspicion plus grande que pour beaucoup d'autres écrivains ? Parce qu'il y a eu une suspicion à la Libération pour une raison, c'est que Simenon a eu du succès et que c'est impardonnable. Notamment pour une chose, c'est que ça a été l'écrivain de langue française le plus adapté au cinéma. Mmh. Vous imaginez, entre 1940 et 1945, 9 romans portés à l'écran. Juste après, il y a Balzac. 7 romans portés à l'écran. Évidemment, ces romans n'ont absolument rien de politique ni autre. C'est des romans souvent même parus avant la guerre. Donc, c'est pas la question. Non, on lui pardonnait pas ce succès. Maurice Blanchot, pourquoi je dis ça n'a rien à voir? C'est que Blanchot était un militant avant la guerre. Il était un militant nationaliste qui a publié des articles même favorables à l'Allemagne et des articles ouvertement antisémites, mais il y en a eu quelques-uns, il y en a eu un certain nombre, parce qu'il a eu une activité journalistique d'extrême droite, très, très soutenue jusqu'à sa conversion au Parti communiste sous l'occupation. Alors on a parlé des romans jusqu'à présent, Pierre Assouline, il faudrait peut-être dire un mot des nouvelles, qui est un continent un petit peu oublié de l'œuvre de Simenon, et pourtant il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes, peut-être même plus qu'intéressantes. Vous le considérez comme quoi, un maître de la nouvelle à l'égal peut-être d'un Maupassant, voire même d'un Paul Morand? Non, parce qu'il a mis tout son talent dans ses romans. La nouvelle, c'était une distraction, un divertissement entre deux romans, parce qu'il avait un trop-plein de, pas seulement d'idées, mais de désirs. Mais Maigret, c'était déjà une distraction Maigret entre déjà les romans. Ça, mais Maigret, c'est un peu plus long. Les nouvelles, d'ailleurs, très souvent, la nouvelle est un banc d'essai. Pas seulement pour lui, mais Somerset Maugham, qui est vraiment un maître de la nouvelle, disait cela aussi. C'est un laboratoire où on essaye des choses, et tout écrivain, tout romancier qui nous écoutera sait très bien ce que c'est que parfois de gâcher un roman en le mettant en nouvelle, ou parfois, au contraire, de se libérer de quelque chose. Et chez Simenon, il y avait ça, mais parfois il a repris des nouvelles pour en faire des romans, vous savez. Mais il y en a certaines qui restent. Vous citez le témoignage de l'enfant de cœur. Oui, c'est une vingtaine de pages, ça date de 1946. C'est encore une enquête policière, mais surtout ce qui était intéressant, c'est que l'enfant de cœur, c'est lui, bien évidemment, et qu'il l'est resté toute sa vie. Sa mère a beaucoup insisté pour qu'il soit un enfant de cœur, et c'est quand même une il a gardé. Il a eu une éducation chez les frères des écoles chrétiennes. C'est quand même quelqu'un qui se levait, étant tout enfant et adolescent, se levait à 5h du matin tous les jours, y compris dans l'hiver rigoureux de la région, pour servir la messe à 6h du matin. Et ensuite aller à l'école à 7h30 tous les jours. Et puis il a cessé de croire et même il a pris totalement ses distances avec l'Église à 13 ans, le jour où il a connu sa première femme sexuellement. Mm-hmm. Et pour lui, ça a été un choc et il s'est dit c'est que Dieu n'existe pas. Bon, alors le rapport entre l'un et l'autre, ça c'est très personnel. Je m'en porte pas garant. Mais enfin, il l'a expliqué comme ça. Et surtout, dit-il, ça, c'est le plus important, ça m'a délivré de ce que je devais, dans le mauvais sens du terme, aux frères des écoles chrétiennes, à savoir la culpabilité. La culpabilité d'une trop grande distraction. La distraction, vous venez de le dire, c'était pas que les femmes, c'était aussi écrire des Maigret. Ça lui a coûté beaucoup d'écrire des Maigret, d'inventer ce personnage de Maigret. Ça lui a peut-être coûté le prix Goncourt, le prix Nobel de littérature, peut-être aussi un fauteuil à l'Académie et d'autres hochets de vanité, écrivez-vous Pierre Assouline. Et puis, il y a quelque chose qui a accentué quand même le phénomène, c'est la télévision, c'est les adaptations extrêmement nombreuses, comme vous venez de le dire. D'un côté, il devait beaucoup à Maigret, parce que Maigret l'a beaucoup enrichi, énormément, et en plus, ça l'a fait connaître partout dans le monde. Parce que ça se vendait davantage que les romans de la destinée ou les romans durs. De l'autre, il était le premier à souffrir de cette notoriété, parce qu'il disait, en fait, mon personnage m'a échappé, car le commissaire Maigret a éclipsé tous les personnages que j'ai créés à côté dans des livres qui étaient des romans durs. Et qui vous semble plus intéressant, à vous, un grand lecteur de cinéma ? Moi, évidemment, je préfère les romans durs, en règle générale. Les Maigret sont parfois, je dirais pas bâclés, hein, mais lui-même disait, voilà, je fais ça comme ça. N'empêche que des Maigret, pour l'essentiel, sont des romans très bien fichus, et que parmi eux, il y a quelques très grands livres. Mmh. Vous savez que parfois, dans des Maigret, c'est à peine s'il y a un meurtre. Et en revanche, parfois, dans des romans durs, il y a parfois des enquêtes policières. Pour moi, un des Maigret les plus fascinants, c'est les mémoires de Maigret. Parce que c'est une mise en abîme, ce qui est un modèle de mise en abîme littéraire. Ben vous iriez peut-être même jusqu'à dire que les meilleurs Maigret, de manière générale, sont ceux où il n'y a pas de meurtre. Peut-être. Mais de toute façon, Maigret, là, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est dans son épaisseur, c'est parce qu'il dit, ce sont ses silences. Mais la qualité de ses silences est tellement éloquente, il y a une telle profondeur que, voilà. C'est pour ça que Bruno Kremer, pour moi, était l'un des meilleurs Maigret de télévision. Alors, qui cinéma. A bien interprété Maigret à la télévision? Il y en a eu beaucoup, hein. Télécinéma, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Harry Bore, qui était assez extraordinaire. Jean Gabin a été bon chez Gilles Grangier. Mais pour moi, l'un des tout meilleurs, vraiment, c'est Bruno Kremer, parce que d'abord, il avait la silhouette. Ensuite, il avait l'épaisseur. La force tranquille. Il avait cette trogne extraordinaire, cette force tranquille. Et en fait, Kremer disait très peu de phrases dans ses feuilletons. Alors, le pire, c'est Jean Richard. Oui. D'ailleurs, Simenon détesté. Et puis, c'est peut-être à cause de lui qu'il y a une image un petit peu ringarde parfois autour de ses adaptations. Non, parce qu'il y a eu des Maigret au Japon, il y en a eu en Angleterre. Rupert Davis à la BBC a été un très bon Maigret. Mais... Et puis, le plus étonnant, le plus surprenant des Maigret, c'est le dernier, oui. Mr. Bean, Rowan Atkinson. Et c'est fini, malheureusement. Ils ne vont pas en faire d'autres, mais il en a fait, je crois, 3 ou 4. Alors, quand on m'a ça dit... C'était tourné à Budapest, et non ben pas oui, à Paris. Oui, parce que Budapest, c'est Paris. Hein. C'est Paris des années 50. Et en plus, il n'y a pas de mobilier Jean-Claude Decaux. Il n'y a pas tout ça. Et donc, j'ai vu les repérages. C'est vraiment... Il n'y a rien à retoucher. Oui. Les Anglais n'ont pas aimé parce qu'ils n'y ont pas retrouvé Mr. Bean, évidemment. Oui, c'est normal. Mais je ne sais pas. J'ai été étonné par la composition de Rowan Atkinson, que je trouvais très bien. Et pourtant, Maigret, pour moi, ce n'était pas ça. Oui. C'est vrai que les grands Maigret, ce sont des personnages qui en imposent par leur physique et par leur façon de se taire. Mais lui, finalement, il s'en moquait un petit peu, puisqu'il vous a dit, je crois que c'est la seule rencontre que vous avez eue avec lui, en 1989, les films, je m'en fiche, pour moi, le cinéma, c'est juste un tiroir-caisse. Oui, il disait ça. En même temps, il était très content qu'on s'intéresse tant que ça au cinéma. Et puis, vous savez, il a été... Enfin, il s'intéressait au cinéma, il avait vu pas mal de films... Mais il avait une admiration sans bande pour Chaplin. Mmh. Il habitait en face de Chaplin. Il adorait Fellini aussi. Il habitait en face de chez Chaplin à Lausanne. En Suisse. Mais surtout, il a quand même été, en 1950, je crois, ou 60, je ne m'en rappelle plus, président du Festival de Cannes, président du jury. Et là, il a constitué un jury avec Henry Miller et quelques autres, où il a été formidable. Il a découvert Fellini et la Dolce Vita, à une époque, rappelez-vous, vous n'étiez pas né, mais rappelez-vous quand même, à une époque où tout le festival sifflait Fellini et la Dolce Vita, qui était considéré comme nullissime, y compris les cinéphiles. Et non seulement Simenon a adoré, mais il a subverti son jury, il a gagné au ping-pong contre Henry Miller, et Miller lui dit, bah, dans ce cas-là, je vote pour ce que tu veux. il a, grâce à cette voix de Miller, c'est Fellini qui a eu le prix. Merci beaucoup Pierre Assouline d'être venu nous raconter toutes ces histoires passionnantes autour de Simenon. Je rappelle que vous avez publié une biographie de l'écrivain chez Julliard ainsi que l'autodictionnaire Simenon, c'est chez Omnibus. Et puis votre dernier roman, il s'appelle Retour à Séfarade. Il a été publié en début d'année et c'est chez Gallimard. Demain, nous recevrons Bernard Allavoine avec lequel nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre de Simenon. Mais tout de suite, à 15h55 sur France Culture, c'est Jacques Bonnafé, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Seija Stoška, grande exposition de peinture à la Maison Rouge à Paris et sortie d'un livre Auschwitz et mon manteau. Moi, Seija, je dis... Auschwitz vit et respire aujourd'hui encore en moi. Je sens aujourd'hui encore la souffrance, chaque brin d'herbe, chaque fleur là-bas, et l'âme d'un mort. J'ai vu, autre poème, le bois, le trèfle, la chaussure, le tablier, le pain, la tempête, les pleurs, le piétinement, la femme, l'homme, l'enfant, l'oiseau, le cheval, le cochon, la rivière noire, la résine, la croix, la chambre, la poupée, le berceau. Il court, il coule, il brûle, et tout passe. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Dit un proverbe mexicain, tirez-lui de Kadish pour l'enfant à naître. Caroline Boidet, Vénus Kurigata, nous allons y revenir. Récit de Seija Stoška, la tzigane. Après la nuit de noces, le jeune marié dit à sa jeune et douce femme épousée, « Ma chère femme, mais tu n'étais pas vierge ?» La jeune femme est assise au petit déjeuner face à lui. Elle dit, « Ah non !» « Comment le sais-tu ?» Il dit, « Comment se fait-il que la nuit de nos noces, tu n'aies pas crié ?» Elle, « Ah non, j'ai oublié, mais maintenant je crie, aïe aïe !» Vénus Kurigata, dans l'ouverture de « Kadish pour l'enfant à naître », paru chez Bruno Doucet. « Écoutez, ne crie pas, ne crie pas. Sollicite à voix basse la sueur écarlate. Traîne-la par les cheveux hors du mur circulaire et de sa rouge meurtrière. » En présentation, Vénus précise à propos de ce poème érotique exceptionnel dans son écriture. Il connaissait le corps de sa femme dans ses moindres recoins et circulait de nuit sans allumer ses yeux et sans se coincer les doigts entre les côtes ou se perdre au confluent des genoux, là où aucun panneau signalisateur n'indique les directions. Humecte la ligne de partage entre haine et plaine, là où guette l'abeille, celle qui perce le vide, étourdit le sang, enfume labyrinthe et gosier. Ne crie pas, te dis-je, si tu veux entraîner le monde dans ta noyade, nage en amont, en abysse, dans un bruit de vagues et de vasques. Refoule l'écume, elle encombre le seuil, obstrue la voûte, réveille par son clapotis barque et timonier, à main basse, te dis-je. J'ai tiré de Kadish pour l'enfant à naître, écrit à deux mains, Caroline Boidet, Vénus Kurigata. Merci beaucoup Jacques Bonnafé. Vous nous lisiez donc aujourd'hui des poèmes de Seija Stoška et de Kurigata.